Alors, je voudrais maintenant vous parler de certains mots anglais qui ne s'emploient pas avec a et qui ne se mettent jamais au pluriel. Ce sont des mots qui se comportent d'une manière tout à fait distincte du français, mais qui suivent les mêmes principes que ceux que nous venons de voir ensemble. Alors, je voudrais notamment attirer votre attention sur trois d'entre eux, particulièrement courants. Advice, A-D-V-I-C-E, qui signifie un conseil ou des conseils. Progress, qui signifie un progrès ou des progrès, et information, qui veut dire à la fois une information et des informations. Donc, dans tous les cas, pas d'article e et pas de forme au pluriel. Alors, si suivre se dit to follow, follow, comment direz-vous? Suivez mes conseils et vous ferez des progrès fabuleux. Follow my advice and you will make fabulous progress. Follow my advice and you will make fabulous progress. À ce stade de la méthode, vous devez d'ailleurs être impressionné, you must be impressed, par le nombre de mots et expressions que vous avez appris sans effort en ayant simplement recours à nos précieuses transformations et astuces. Bien, il y a un autre mot qu'on ne peut pas employer avec l'article a. C'est le mot pour dire temps, dans le sens de temps météorologique. Alors imaginez que vous revenez tout juste d'un voyage aux Seychelles et vous voulez dire nous avons eu un temps fantastique, c'est-à-dire We had fantastic weather. We had fantastic weather. Tout à fait. Fantastic est l'un de ces mots en ic que nous avions vu dans la première partie. Et weather s'emploie sans e devant, puisque le temps météorologique n'est pas quelque chose que l'on peut dénombrer. Bien, il y a des mots qui changent du tout au tout si l'on veut parler de quelque chose en particulier. Nous venons de voir le cas de work et a job. Prenons un autre exemple. Vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas que les bagages, les valises, se traduisaient par luggage. L-U-G-A-G-E. Donc, c'est un mot qui a un sens pluriel, mais qui ne s'emploie qu'au singulier et sans l'article « a ». On peut aussi dire « baggage », qui est en fait le même mot que « bagage » en français, mais qui s'écrit avec deux « g ». B-A-G-A-G-E. Et attention, là encore, le mot anglais a un sens pluriel, donc « baggage », tout comme « luggage », correspondent à des bagages. Est-ce que vous pourriez répéter ces deux mots? Baggage, luggage. Luggage, ou si vous préférez baggage, qui est probablement plus facile à retenir. Michel Thomas précisait que vous pouviez aussi parler de bags, des sacs. Et justement, si vous voulez parler d'un bagage au singulier, vous pouvez utiliser bag, donc sac ou suitcase. S-U-I-T-C-A-S-E, qui signifie valise. Prenons un autre exemple. En anglais, le mot pour parler de la publicité est advertising. A-D-V-E-R-T-I-S-I-N-G. Tandis que si vous voulez parler d'une publicité, donc d'une annonce publicitaire, alors le mot est an advertisement, ou prononcé à l'américaine, advertisement. Donc, on ne peut pas dire « an advertising », ce serait incorrect. Alors, comment dira-t-on « j'ai vu une publicité pour les œuvres complètes de Shakespeare » I saw an advertisement for the complete works of Shakespeare. I saw an advertisement, ou advertisement, for the complete works of Shakespeare. Tandis que si vous voulez parler de la publicité en général, par exemple, pour dire que vous travaillez dans le secteur de la publicité, vous allez employer le mot Advertising. Advertising. Bon, je crois que c'est clair. Alors, prenons encore un exemple. Le mot pour dire des meubles en anglais, c'est furniture. F-U-R-N-I-T-U-R-E. À ne pas confondre avec les fournitures, puisqu'il s'agit donc de faux amis. Furniture est un nom qu'on ne peut pas dénombrer, comme mobilier en français. Donc, on ne peut pas dire a furniture ou furnitures au pluriel. Mais bien sûr, vous pouvez dire a table pour une table, a chair pour une chaise, etc. Mais alors vous devez vous demander comment parler d'un meuble en particulier et non de meuble au pluriel. Il existe un bon moyen de parler d'un élément, d'un mot non dénombrable, c'est de le faire précéder de l'expression a piece of, mot à mot, une pièce, un morceau de. Par exemple, pour un meuble, on dira une pièce de mobilier, c'est-à-dire a piece of furniture. A piece of furniture, mot à mot, une pièce de mobilier, c'est-à-dire un meuble. Tandis que furniture, c'est du mobilier, donc des meubles. De la même manière, comment direz-vous un conseil? Alors, on a vu un peu plus tôt que conseil au singulier comme au pluriel se dit advice. Alors, un conseil, ce sera a piece of advice. A piece of advice, oui. Ou encore some advice. Et donc, un bagage sera a piece of luggage. A piece of luggage. Ou a piece of baggage. Et un bagage à main, ça sera a piece of hand luggage ou a piece of hand baggage. Un mot composé de hand, donc main, et luggage ou baggage. Et si l'on revient au sujet du travail, work, pour dire c'est du bon travail, on peut dire it's good work, ou bien en employant a piece of. It's a good piece of work. It's a good piece of work, c'est ça. Alors cette expression a piece of ne va pas vous servir pour tous les mots non dénombrables, mais elle est très courante et donc l'employé, c'est du gâteau. It's a piece of cake.